sentait l'alcool. Écolalie, c'est pas sérieux, mais non, c'est mon chewing-gum aromatisé au petit bleu. Un dimanche après-midi, pluvieux, casquette aux quatre visières bien vissées sur nos têtes de nœuds. Vous sentez la bière, nous dit le régisseur, très sérieux. T'inquiète pas, pépère, dès qu'on joue, ça va mieux. Sorte de mes yeux, du super héros, j'en suis la parabole.